Chant numéro 26. Tandis que je craignais d'avoir perdu la vue, l'éclat éblouissant qui me l'avait éteinte laissa monter un souffle, et semblant m'appeler, me dit « En attendant de recouvrer la vue que tu viens de ternir pour trop vouloir me voir, tu peux dédommager cette perte en parlant. Commence donc, et dis vers quelle fin aspire ton âme. Et cependant, redis-toi que la vue n'est pas morte pour toi, mais à peine engourdie. La dame qui conduit dans ces saintes contrées tes pas, dans son regard a la même vertu qu'autrefois possédait la main d'Anania. Je dis qu'à son plaisir, que ce soit tôt ou tard, puisse guérir ses yeux, porte qu'elle emprunta jadis pour tous ces feux dont je brûle toujours. Le bien qui rend heureux ce palais est pour moi l'alpha et l'oméga de toute l'écriture que m'enseigne l'amour plus ou moins ardemment. » Et cette même voix qui m'avait enlevé la crainte de rester soudainement aveugle, de nouveau me poussait à prendre la parole en disant « Il te faut, certes, passer cela par un tamis plus fin. Il te faut maintenant dire qui, vers ce but, a dirigé ton arc. » C'est grâce aux arguments de la philosophie et à l'autorité qui descend d'ici, dis-je, que cet amour a pu pénétrer dans mon cœur, puisque le bien, en tant que bien, sitôt conçu, nous incite à l'amour. D'autant plus fortement qu'en lui-même il comprend plus de perfection. C'est à l'essence, donc, qui dépasse les autres tellement que le bien qui se trouve hors d'elle n'est qu'un simple reflet de sa propre clarté, qu'il faut, grâce à l'amour plus qu'à tout autre essence, que s'adresse l'esprit de tous ceux qui discernent l'abstruse vérité de ce raisonnement. Celui qui m'a montré le premier amour de toutes les substances existant à jamais propose à mon esprit la même vérité. Du véritable auteur, la voix me la propose, qui disait à Moïse en parlant de lui-même « C'est moi qui te ferai connaître tout le bien ». Tu me l'as dit aussi dans l'illustre crié dont l'exorde proclame au monde de là-bas les arcanes d'ici, mieux que nul autre héros. J'entendis qu'il disait « Par l'intellect humain et par l'autorité qui concorde avec lui, ton amour le plus haut se dirige vers Dieu. Explique-moi pourtant si tu sens d'autres cordes qui te tirent vers lui, pour que tu rendes clair avec combien de dents cet amour-là te mord. » La sainte intention de cet aigle du Christ ne me fut point cachée, et je vis tout de suite quel sens il faisait prendre à ma profession. Je recommençai donc. En effet, les morsures qui peuvent ramener le cœur de l'homme à Dieu ont toutes concouru dans cette charité. L'existence du monde avec mon existence, et la mort qu'il souffrit pour que je puisse vivre, et tout ce qu'avec moi les fidèles espèrent, et le savoir certain dont je viens de parler, m'ont tiré de la mer de l'amour dévoyé, et m'ont mis sur le bord de l'amour le plus droit. Les feuilles dont remplit son jardin tout entier l'éternel jardinier me sont d'autant plus chères, que sur chacune il met le sceau de sa vertu. Sitôt que je me tus, un chant des plus suaves retentit dans le ciel, et Madame elle-même disait avec le cœur « Saint, saint, et trois fois saint !» Comme quand nous réveille une forte lumière, grâce à l'esprit si vif qui court à la rencontre de la clarté passant d'une membrane à l'autre, le réveillé répugne à ce qu'il voit d'abord, tant le rappel soudain le laisse inadapté, s'il n'est pas assisté par son estimative. De même, Béatrice éloigna de mes yeux le teint qui les voilait, d'un seul rayon des siens, dont l'éclat pénétrait à plus de 1000 milles. Grâce à cela, je vis mieux que je n'avais vu, et presque stupéfait, je fis des questions sur un quatrième feu que je vis près de nous. Et Madame me dit « Au sein de ces rayons, aime son Créateur la première des âmes, qu'à la vertu première il a plu de créer. » Et pareil au rameau qui fait fléchir sa cime au passage du vent et se relève ensuite, par sa propre vertu qui la ramène en haut, tandis qu'elle parlait, tel je devins moi-même de stupeur. Mais bientôt je repris assurance, pressé par le désir que j'avais de parler. Alors je commençai. Ô fruit qui fut unique à naître déjà mûr, père antique, de qui n'importe quelle épouse est la fille et la bru, le plus dévotement que je puis, je te prie de vouloir me parler, car tu vois mon désir que je ne te dis plus pour t'entendre plus tôt. Comme un cheval branchant sous le carapaçon, qui manifeste ainsi le besoin qu'il agite par la housse qui suit les mouvements du corps, de la même façon, la première des âmes m'avait rendu visible à travers l'enveloppe avec combien de joie elle allait me complaire. Puis elle prononça « Sans que tu me l'exprimes toi-même, je lis mieux dans ton propre désir que tu ne saurais voir les objets les plus clairs, puisque je les contemple au miroir véridique et qui contient en lui tous les autres objets, alors que rien ne peut le contenir lui-même. Tu veux savoir de moi depuis combien de temps Dieu m'a mis au jardin sublime où celle-ci te rend apte à gravir une si longue échelle. Combien de temps il fut de mes yeux la liesse, du grand courroux de Dieu, quelle est la cause vraie, quelle langue j'ai faite et j'ai mise en usage. Or, mon fils, ce n'est pas le bruit de l'arbre en soi qui fournit la raison d'un aussi long exil, mais le fait seulement d'outrepasser les bornes. Et là-bas, d'où Adam m'a fait venir Virgile, 4302 tours de soleil m'avaient vu désirer cette réunion. Je l'avais déjà vu passer par tous les signes qui marquent son chemin 930 fois, pendant que j'habitais moi-même sur la terre. La langue a disparu que j'ai d'abord parlé, dès avant que Nemrod et son peuple perdissent leur peine au bâtiment qu'on ne pouvait finir. Car l'effet que produit la raison elle-même ne vit pas longuement, du fait du goût des hommes, qui sans cesse évolue et change avec le ciel. Le langage de l'homme est un fait naturel, mais quant à la façon de parler, la nature vous permet de choisir selon qu'il vous convient. Avant que je descende à l'angoisse infernale, on donnait le nom de I sur terre au Dieu suprême, à qui je dois la joie où je me suis logé. Plus tard, on l'appelait elle, et c'était normal. L'usage des mortels étant comme les feuilles, Si l'une tombe, une autre sitôt la remplace. Sur le mont le plus haut qui domine les ondes, je vécus innocent, puis je vécus coupable, de prime jusqu'à l'heure héritant de la sexte, après que le soleil a changé de cadran.